Ce soir, nous recevons Lé de la chaîne YouTube Science for All. Il vient de finir un postdoc au MIT en mathématiques et maintenant il se lance à plein temps dans la vulgarisation avec en particulier un gros projet de documentaire sur la problématique du Big Data. En attendant, il est venu nous parler de partage de gâteaux et il en avait déjà parlé il y a 3 semaines à l'émission Science et Plaisir. Nous sommes l'épisode 249. Bonsoir à tous, alors une émission exceptionnelle à plusieurs titres, d'abord parce que c'est le 3e épisode de Podcast Math, donc avec l'équipe de Podcast Math, il y a Johan à Baltimore qui ne parle pas, c'est pour ça qu'on parle de l'équipe de Podcast Math. Ah, je vous ai cassé, c'est tu vas quand même dire bonjour, salut Johan. Voilà, on a Robin depuis Paris. Salut. Et on a donc Lé depuis Hanoï au Vietnam, ce qui fait quand même, bon salut d'abord Lé. Salut. Donc c'est quand même intéressant à plusieurs titres. Pour Podcast Math, je trouve qu'être à Hanoï, ça a quelque chose de sympathique, comprennent ceux qui comprennent, quoi. Et surtout le décalage horaire, donc ce qu'on disait juste avant l'émission, c'est que nous avons, sauf erreur, Lé et Paris qui ont 6 heures de décalage, Paris et Baltimore 6 heures aussi, et Baltimore et Hanoï 12 heures, donc on peut, il manquerait plus que quelqu'un de l'autre côté du globe, et là on avait à peu près, on était équirépartis à peu près partout, donc encore des maths, des barissantes, tout ça quoi. Bref, on est sur une émission d'un format qu'on avait reperdu depuis le début de l'année, c'est-à-dire une émission en deux parties. Donc là ce soir on va avoir la première partie sur comment partager équitablement des gâteaux, on aura la suite la semaine prochaine. Et voilà, et sur ce donc c'est une émission de type dossier, donc Lé va nous parler de tout ça et nous on posera des questions. Et après on aura juste quelques plugs et on passera et on conclura. Sur ce, je laisse la parole à Lé. Ah, donc pour okay, donc je vais commencer par une petite introduction, pas franchement sur le gâteau. Donc, je vais parler un petit peu de l'école polytechnique qui a été fondée pendant la Révolution française et qui a été ensuite rendue militaire par Napoléon Bonaparte qui a voulu la rendre militaire. Et du coup, aujourd'hui, l'école polytechnique a le bon goût de recevoir chaque année des centaines de jeunes geeks matheux qui se retrouvent sous les ordres de militaires de carrière à se rouler dans la boue, nettoyer les chiottes et se faire engueuler longueur de journée pour avoir suivi le contre-ordre du capitaine plutôt que l'ordre du sergent. Tout ça pour dire qu'au moment où on arrive dans l'armée, on doit avoir, les polytechniciens doivent choisir s'ils vont plutôt faire des services militaires dans la marine, à bord de frégates qui prennent le cap vers la Polynésie, ou s'ils vont plutôt essayer de survivre aux 12 nuits bretonnes à l'école des officiers de Saint-Cyr, sous la pluie, sans forcément l'attente, et dont les formateurs ne sont pas réputés pour leur calme et leur amabilité. Et le problème, c'est qu'il y a 130 places dans l'armée de terre et qu'il faut les remplir, alors que les places sur les frégates polynésiennes, elles sont limitées. Du coup, il faut déterminer une manière de se partager les tâches et en particulier d'affecter suffisamment de polytechniciens dans les différents services militaires. Et faut essayer de faire ça de façon juste ou équitable. Et a priori, ça, c'est pas si facile. Et ce que font les militaires, c'est qu'ils laissent en fait les étudiants polytechniciens se démerder tout seuls pour gérer leur affectation dans les armées. Alors, à une époque, je sais pas comment ça marche aujourd'hui, mais à une époque, les polytechniciens utilisaient un algorithme qu'ils appelaient la magouilleuse. En gros, les polytechniciens rentraient dans un ordinateur les préférences qu'ils avaient pour les différentes affectations militaires, en les classant de celles qu'ils préfèrent à celles qu'ils préfèrent le moins. Donc, par exemple, un étudiant pourrait écrire la marine en 1, la gendarmerie en 2, le stage civil en 3, l'armée de l'air en 4, puis l'armée de terre. En gros, la magueuse, ensuite, elle combinait tout ça, faisait quelques calculs savants, et elle sortait un résultat. Et bon, je n'ai pas fait d'études pour le savoir, mais a priori, beaucoup d'étudiants se plaignaient ensuite du résultat. Autre exemple que j'ai envie de citer pour l'instant, c'est celui de la STM. Alors la STM, c'est l'équivalent de la RATP à Montréal. Et toutes les semaines, donc, il y a des horaires de bus et ils doivent être affectés aux employés de la STM. Et a priori, donc on a un peu le même problème qu'à l'école polytechnique, sauf qu'à la place des étudiants, il y a les chauffeurs de bus, à la place des affectations dans l'armée, dans les armées, il y a les horaires de la semaine. Et surtout, à la place de la magouilleuse, il y a un système à l'ancienneté dont on ne peut pas dire qu'il est très équitable, puisqu'en fait, c'est par seniorité. Du coup, l'employé le plus senior choisit l'horaire qu'il veut. Donc les horaires sont affichés sur un panneau. Le plus ancien choisit son horaire. Puis après, c'est le second ancien qui choisit parmi ceux qui restent, et ainsi de suite. Et du coup, le dernier venu se tape forcément l'horaire dont personne ne voulait. Enfin, prendre un dernier exemple, donc celui d'Air France. À Air France, les pilotes et les hôtesses de l'air peuvent fixer des desiderata par rapport à leurs horaires, donc du genre je désire faire le vol Paris-Dubaï et puis rester 3 jours à Dubaï avant de rentrer à Paris. Et les ingénieurs d'Air France se doivent ensuite de trouver des solutions, des horaires qui correspondent aux desiderata de tout le monde. Et ça pose plusieurs questions intéressantes. Quels sont l'ensemble des desiderata que les pilotes et hôtesses de l'air ont vraiment le droit d'imposer? Est-ce qu'on peut chiffrer le coût pour la compagnie de ces desiderata? Que faire si les desiderata sont incompatibles? Est-ce que les desiderata de deux pilotes différents vont être aussi contraignants l'un que l'autre? Enfin, est-ce qu'il y a une forme d'équité dans les desiderata choisis par deux pilotes différents? Bref, tout ça pour vous dire qu'assurer des partages justes, ça peut être très important, mais ça devient aussi vite très compliqué quand on a affaire à des grands effectifs et il faut des méthodes assez automatisées qui incluent d'elles-mêmes un certain concept de partage juste. Et si on y va avec des méthodes assez simplistes, a priori, on n'obtiendra pas forcément des partages ou des affectations d'horaires qui sont justes. Et du coup, ce dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est comment définir, modéliser, inclure dans un modèle le concept d'équité. Ouais, très bien, c'est super de commencer par des exemples, et du coup, j'ai une petite question qui va compléter ton introduction. Tu nous présentes un truc qui a l'air d'être un problème très générique, en fait, que des gens doivent se poser depuis des siècles, et en plus, souvent, sur les maths, les gens ont l'impression qu'il ne reste plus rien à faire. Ça, c'est le problème, il n'est pas résolu depuis belle lurette, il y a encore des choses à faire là-dessus? Ah Je fais oui, un peu l'avocat carrément. du diable. Oui, carrément. Donc ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est qu'en fait, il existe plusieurs modélisations aujourd'hui dans la littérature mathématique dans la littérature, il existe plusieurs modélisations du concept d'équité. Et c'est un peu intéressant, en tout cas, de voir lequel choisir, puisque au bout de ligne, ça peut avoir des vraies conséquences sur des affectations d'horaire. En particulier, il n'y a pas forcément d'unanimité derrière aucun des concepts de la littérature. Chacun a son avantage et son inconvénient. Et voilà, je pense que c'est intéressant de réfléchir sur ces concepts-là. D'accord, donc ce que je vais faire, c'est que je vais un peu oublier les particularités des exemples, et donc je vais les abstraire. Et pour ça, je vais me concentrer sur un exemple simpliste de partage, un exemple théorique, qui va être le partage du gâteau, dont j'ai un petit peu parlé donc à Lausanne. De façon un poil plus générale, ce que j'entends par partage du gâteau, c'est l'allocation de biens à différentes parties prenantes, que ce soit des affectations militaires à des élèves polytechniciens, des horaires de travail des employés d'une entreprise, ou des parts physiques de gâteau à des podcasteurs. Et en particulier aujourd'hui, je vais oublier le mécanisme d'allocation des biens. Ça, je vais en parler la semaine prochaine. Et au lieu de cela, je vais considérer que des biens ont déjà été alloués à ces personnes et on va essayer de se demander si cette allocation des biens peut être considérée juste. Encore une fois, aujourd'hui, je vais vraiment parler du concept d'équité. Donc pour commencer, ça va être. Alors on va commencer directement avec le premier concept d'équité. Alors je pense qu'il est plus intéressant que satisfaisant. C'est le partage qu'on appelle exact, que je vais appeler égalitarisme pour vraiment insister sur le côté égalitaire de ce partage. Le partage égalitariste, c'est le partage où chacun a exactement la même chose que son voisin. Donc si j'ai eu une noix, tout le monde doit avoir eu une noix, même ceux qui sont allergiques aux noix. Donc on peut appeler ça un petit peu le communisme à l'extrême, ou du moins le communisme tel qu'il a été appliqué dans certains pays à certaines époques. En particulier, j'ai en tête l'époque des Khmers rouges au Cambodge, où tous les habitants, peu importe leur qualification et leur désirata, et peut-être à l'exception des politiciens, des militaires et des prisonniers, tous les habitants devaient labourer les champs. Tout le monde devait être logé à la même enseigne. Mais c'est encore vrai dans certains domaines, il me semble, en politique. Si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'en France, les allocations familiales sont un peu sur ce principe-là, parce que quels que soient les revenus, on a le droit d'en toucher. Ou il y a Ouais. d'autres exemples, je crois, en politique qui sont un peu dans ce cadre-là. Ouais, donc il y a quelques règles qui sont vraiment exactement les mêmes pour tous, mais en France, en tout cas, on a le droit d'exercer des métiers différents de celui de son voisin, quand même, ce qui n'est pas forcément le cas. Ah bon? Donc dans un partage égalitariste, tout le monde est vraiment à égalité, et ça peut paraître un petit peu trop restrictif dans certains cas. Donc, par exemple, si on prend le cas de la Magouilleuse, on se retrouve dans un cas en plus où il ne peut pas y avoir de partage égalitaire, puisqu'il y a des affectations à remplir dans les différentes armées, et du coup, il y en a qui iront à l'armée de terre et d'autres qui iront dans la marine. Du coup, il n'existe pas de partage égalitaire a priori. Alors, il existe quand même une façon un peu saugrenue d'introduire un partage quasi égalitaire, ou partiellement égalitaire, qui consiste à assigner aléatoirement les élèves aux différentes affectations. Du coup, on aura un partage des affectations qui est pas qui sera pas égalitaire en bout de ligne, mais a priori, ce qu'on appelle ex ante, c'est-à-dire avant que le partage soit décidé, tout le monde est logé à la même enseigne. Donc on appelle ça ex ante, ante ça veut dire avant, par opposition à ex post qui correspond au partage en bout de ligne. Donc le partage assigné aléatoirement les élèves à des affectations, c'est un partage égalitaire ex ante, mais pas ex post. Le partage, est-ce que dans le partage ex post, il y a aussi des partages qui, enfin, je sais pas comment dire, mais dans le cas de la magouilleuse, on a plusieurs partages qui peuvent être à équité équivalente. Je sais pas si tu vas en parler ou pas de ce genre de choses. En gros, a priori, tu te dis les gens sont égalitaires, a posteriori, si tu donnes plus à un ou plus à l'autre. C'est des trucs qui doivent être un peu équivalents, quoi. C'est juste qu'il fallait faire un choix de qui avait le plus, quoi. Quand t'as deux parts de gâteau, une grosse et une petite, bah faut bien la donner la grosse à quelqu'un et la petite à quelqu'un d'autre, quoi. Ouais, bah du coup, ce sera pas égalitaire ex post, puisque. Ouais, même si tes deux personnes à l'entrée sont exactement les mêmes personnes, t'as aucune manière de les différencier, bah le truc c'est qu'il fallait bien les séparer, non? Ouais, donc parfois Je m'égare. il ne peut pas exister de partage égalitaire ex post, mais ex ante, ça peut paraître. Si on tire au hasard lequel aura la grosse part, ex ante, ce sera égalitaire. Bon, alors l'égalitarisme, c'est bien, mais en général, c'est pas optimal, ça pose quelques problèmes. Donc, par exemple, pour illustrer ça, je vais prendre un exemple que j'appelle les trois cerises sur le gâteau sucré. Donc supposons que Nico, Robin et Johan sont en régime strict et donc n'attribuent aucune valeur au gâteau sucré, mais Kiren rentre du parapente et a super faim et du coup veut vraiment manger. Du coup, elle veut vraiment le gâteau sucré avant tout, quoi. Donc le partage égalitaire ici, ça serait de donner trois quarts de cerise à chacun et un quart de gâteau sucré à chacun. Et ça, clairement, c'est pas optimal. En fait, si l'on autorisait une économie de libre-échange à partir de ce moment-là, eh ben, on pourrait s'attendre à ce que chaque garçon échange un bout de son gâteau sucré contre un quart de cerise avec Irène. Ainsi, tout le monde gagnerait au change. On obtiendrait une situation où, par exemple, Nico, Robin et Johan auraient chacun une cerise et Irène récupérerait l'entièreté du gâteau sucré. Là, on a un partage qui n'est plus égalitaire, mais qui est plus optimal dans le sens où chacun a mieux que dans le partage égalitaire. Okay? Donc on dit que le partage égalitaire n'est pas Pareto optimal, c'est-à-dire qu'on peut faire mieux pour tout le monde. Et autrement dit, la Pareto optimalité, c'est quand, donc par opposition, le partage que j'obtiens à la fin, là, où chacun des garçons a une cerise et Irène a l'entièreté du gâteau sucré, lui, par contre, il est Pareto optimal parce qu'on ne peut pas améliorer le sort de quelqu'un sans détériorer la situation d'un autre. C'est-à-dire, Ouais, on la peut seule façon rendre. d'améliorer quelqu'un, c'est de filer une cerise en plus à Irène, mais faut pas déconner, les autres ils ont plus rien. Si on donne une cerise à Irène, quelqu'un va y perdre, quoi. C'est ça, voilà. Donc le ouais. C'est Alors ça. que dans la situation précédente, quand on est passé du Tout le monde y a partage gagné. unitaire, celui-là, tout le monde y a gagné. Donc la parité optimalité, donc c'est un des concepts très importants en mathématiques sociales, je ne sais pas trop comment les appeler, mais c'est un des concepts importants où on va chercher souvent des partages paréto optimaux. Donc le partage maintenant que j'ai obtenu, où chacun des garçons a une cerise et Irène a l'entièreté du gâteau sucré, donc il est paréto optimal, ça c'est bien. Mais on peut se demander s'il est juste, s'il est équitable. Et donc je sais pas ce que vous en pensez, a priori, comme ça. Ben, ça va dépendre de ce qu'on appelle équitable, mais si on peut, enfin, Ce qui est plutôt ça va intuitivement. dépendre de si les gens aiment les cerises ou pas, quoi. Ouais, disons que donc les garçons adorent les cerises, enfin, ils sont au régime, du coup ils n'ont aucune n'attribuent aucune valeur au gâteau sucré. Donc ça veut dire qu'ils peuvent pas avoir mieux, et juste il y a si Irène aime les cerises, mais bon, en même temps ça va, elle a tout le gâteau, quoi. Ouais, tout le Mais du coup, ça gâteau. devient subjectif. Ouais, donc alors, ça m'amène donc à ce qu'on appelle le partage proportionnel. Donc un partage est dit proportionnel si chacun a mieux dans ce partage que dans le partage égalitaire. Okay, donc une façon assez simple d'obtenir après un partage égalitaire, c'est ce que je viens de décrire, c'est-à-dire on part d'un partage égalitaire et puis après on autorise une économie de libre-échange. Ainsi, à chaque fois que quelqu'un fera un échange, il gagnera au change et du coup finira mieux que dans la situation égalitaire. Modulant d'autres hypothèses sur lesquelles je vais revenir un peu plus tard, on peut dire aussi qu'un partage proportionnel est proportionnel si chacun préfère ce qu'il a à la moyenne de ce que les autres ont. Okay, donc on regarde un peu les allocations des autres et si pour chacun son allocation est meilleure que celle des autres, que la moyenne de celle des autres, eh ben, on dit que le partage est proportionnel. Donc dans le cas les cerises, si on prend la situation d'un des garçons, donc il a une cerise à comparer avec deux cerises et le gâteau pour trois personnes. D'accord? Comme le gâteau n'a aucune valeur, en gros, ce que les autres ont, c'est deux cerises à trois personnes. Et comme nous, enfin, comme chacun des garçons a une cerise, c'est mieux que deux cerises pour trois personnes. Du coup, le partage est proportionnel. En tout cas pour les garçons. Si on regarde par rapport à Irène. Si bah elle a tout le gâteau et les autres ont trois cerises qui sont a priori beaucoup plus petites que le gâteau, du coup c'est mieux d'avoir un gâteau pour soi que trois cerises pour trois, quoi, selon Irène. Une autre remarque sur le partage proportionnel, on peut voir ça aussi comme le partage où chacun a au moins 1 sur n, où n est le nombre de personnes dans le partage. Au moins 1 sur n de tout ce qu'il y avait à voir. Okay, donc pour chacun c'est peut-être plus facile de raisonner comme ça, pour chacun des garçons, avoir une cerise, c'est avoir un tiers de tous ceux qu'il y avait à voir parce qu'il y avait trois cerises et que le gâteau n'a pas de valeur pour eux. Okay, donc chacun des garçons, du coup, a un tiers de ce qu'il y avait à voir, ce qui est mieux qu'un quart parce qu'il y avait quatre personnes. Donc pour chacun des garçons, le partage est proportionnel. Pour Irène, on peut dire que le gâteau sucré va être quasiment 1, quoi, enfin, va être quasiment tout le gâteau. Et du coup, c'est plus que 1 sur 4, qu'un quart. Et donc, en fait, dire ça, c'est équivalent au concept à dire qu'on avait mieux, enfin, dire que chacun a mieux qu'un sur N. C'est équivalent à dire que chacun a mieux que la situation égalitaire qui correspond au cas où chacun a forcément 1 sur n du gâteau. Ok, maintenant si je reviens au partage des trois cerises sur le gâteau, donc le partage est proportionnel. Maintenant si je retire un quart de cerise à Nico et que je donne ce quart de cerise à Johan, comme une sorte de taxe sur les anciens indicateurs ou quelque chose comme ça, on a Nico avec 3 quarts de cerise, il a perdu un quart, et Johan qui a 5 quarts de cerise. Maintenant, si on refait les calculs, on voit que Nico a un quart de ce qu'il y avait à avoir selon lui. Donc il y avait 3 cerises à avoir, il a 3 quarts d'une cerise, et ça représente un quart de toutes les cerises. Et du coup, lui, il va considérer qu'il a au moins un quart, et donc le partage reste proportionnellement juste. Ce qui peut paraître assez bizarre. Puisque Nico maintenant a moins que Johan, il a trois quarts et Johan a cinq quarts de cerise, Donc, a priori, le partage n'est pas forcément juste, mais il est proportionnellement juste. Donc, d'après la définition qu'on a introduite, il est juste. Donc, enfin, tout ceci amène à dire qu'il y a un petit problème avec la définition du proportionnellement juste. Et ça m'amène à un autre concept de partage juste qui est sans doute le mieux établi dans la littérature, qui est ce qu'on appelle le partage sans jalousie. Alors, donc, un partage est sans jalousie si chacun, personne n'est jaloux de la part donnée à quelqu'un d'autre. Autrement dit, chacun préfère sa part à chacune des parts des autres. Et donc, par exemple, si je reprends les trois cerises sur le gâteau, avec taxe sur les anciens dictateurs, Nico va être jaloux de Johan, puisqu'il considère que la part de Johan a plus de valeur que sa propre part, puisque lui, il avait trois quarts de cerise et que Johan avait cinq quarts de cerise. À l'inverse, dans le cas où il n'y avait pas de taxe sur les anciens dictateurs, où chacun des garçons avait une cerise, là, le partage est sans jalousie, puisque chaque garçon considère qu'il a la meilleure part parmi toutes les parts qui ont été allouées. Donc, un truc qui est assez intéressant avec ce partage sans jalousie, c'est qu'on peut dire qu'il est très lié à un autre concept de partage juste dont j'avais parlé à Lausanne, qui est l'égalité devant la loi. Plus précisément, si la loi est la même pour tous, on va avoir chacun une façon de. La loi, quand je parle de loi, ça peut être le mécanisme d'affectation des biens, comme dans le cas de la meugouilleuse. Donc, si c'est une loi qui est la même pour tous, chacun va avoir une manière optimale de se comporter vis-à-vis de la loi. Donc, la meilleure façon de se comporter dépend de la façon dont les autres se comportent. Donc, il y a un petit peu un problème de théorie des jeux derrière tout ça. Et en fait, en 1951, un certain John Nash, qui a reçu le prix Nobel en économie en 1994 et qui est décédé l'année dernière en 2015, et qui a été le personnage incarné par Russell Crowe dans le film Un homme d'exception. John Nash a prouvé que si les lois sont symétriques pour tous, alors il existe un équilibre dit de Nash mixte qui est symétrique, c'est-à-dire que il y a une façon optimale qui est la même pour tous de se comporter par rapport à la loi. Donc je ne vais pas rentrer trop dans les détails de la théorie des jeux aujourd'hui. Robin, on a un petit peu parlé de théorie des jeux dans l'épisode 214 de Podcast Science, plus qu'un petit peu d'ailleurs. Et je vais en reparler un petit peu aussi de ça la semaine prochaine. Bref, toujours est-il que lorsque les lois sont symétriques, en supposant que tout le monde se comporte de façon optimale par rapport à la loi et de façon symétrique, on peut alors garantir que tous ceux qui. Que le partage va être sans jalousie exempté. C'est-à-dire que tout le monde va exempter en jouant sa bonne stratégie, sa meilleure. En se comportant de façon optimale devant la loi. Chacun va réussir à faire en sorte que exempté, ce qu'il s'attend à avoir, ne sera pas moins bien que ce qu'un autre s'attendra à avoir. Je ne sais pas si je suis clair. Là, je commence à être un peu perdu. Ex ante, tu peux rappeler juste? Donc, ex ante, c'est-à-dire avant. Donc, si je reprends le cas du partage, si on donne des parts aléatoirement, ex ante, c'est avant que les parts ont vraiment été affectées. Ouais. Donc, en termes mathématiques, y a un côté probabiliste derrière tout ça, quoi. On ne sait pas exactement quelle part on va avoir. Et donc, si on est les mêmes devant la loi, comme disait. Nico, tout à l'heure, s'il y a deux gâteaux et qu'on tire au hasard lequel va avoir. Enfin, il y a un gâteau qui est plus grand que l'autre et on tire au hasard lequel va avoir le plus grand. Ex ante, les situations sont les mêmes pour les deux D'accord, donc et c'est les égalité. parts sont les mêmes. D'accord, ok. Et donc, si on laisse chacun se comporter optimalement devant la loi, il choisit une stratégie qui sera adaptée à ses propres préférences. Et du coup, il va pouvoir optimiser son choix de sorte que. N'importe qui d'autre qui suit une autre stratégie devant la loi, ex ante ne pourra pas avoir mieux que ce qu'il a choisi lui, ce qui était optimal. Je ne suis pas sûr Ok. d'être super clair, mais. Non, mais c'est juste, c'est pas évident, mais on va y arriver. En fait, juste peut-être pour replacer ce que tu es en train de faire là, tu présentes plein d'hypothèses qu'on considère être l'équité, en fait. C'est ça, hein? Et peut-être pour faire un lien, alors ça date un peu, mais on avait eu l'occasion de parler un peu de ce genre de concept. On a même déjà utilisé le mot Pareto dans Podcast Science à propos des systèmes de vote, où on expliquait que pareil dans les systèmes de vote, on considérait qu'un bon système de vote, il y avait certaines règles un peu qui paraissent un peu arbitraires, mais qui en fait sont du bon sens, parce que ce que tu nous redis là depuis le début, c'est finalement des choses du bon sens, de dire un partage qu'on va appeler équitable, bon ben on veut qu'il n'y ait pas de jalousie, on veut que chaque individu avec qui on partage soit considéré comme étant les mêmes, quoi, on n'en favorise pas. Donc en fait, tu es juste en train de formaliser des choses qui sont, entre guillemets, le bon sens, mais qui ont besoin d'être formalisées pour faire des maths. Hein. Oui, tout à fait. Je pense qu'on a tous une idée intuitive de ce que devrait être l'équité, ou un petit peu. Mais je pense que les idées de l'équité qu'on se fait sont en général floues et sujettes à débattre. Et du coup, pour pouvoir vraiment bien poser le débat, il faut essayer de trouver des définitions un peu plus rigoureuses, un peu plus... où on peut pointer le doigt où est-ce qu'on n'est pas d'accord, ou de la définition d'un autre de ce qu'est l'équité. En tout cas, personnellement, moi j'adore le concept de partage sans jalousie. Je trouve que c'est assez simple, c'est assez robuste et c'est vraiment naturel comme concept. Ceci dit, il a quelques défauts aussi. En particulier, c'est un concept totalement binaire. C'est-à-dire qu'un partage est soit sans jalousie, soit il y a de la jalousie. Quoi. Et ça, on peut l'utiliser très bien pour faire une contrainte qu'on cherche à respecter. Donc, si on essaie d'écrire tout ce qu'on veut, ben, on peut mettre ça dans un espèce de cahier des charges. Mais parfois, cette contrainte est trop restrictive. Et du coup, il n'existe pas de solution qui satisfasse cette contrainte de sans jalousie. Et du coup, après, on est un petit peu embêté pour... par exemple, si je prends le cas de la magouilleuse, a priori, il n'y aura pas de partage sans jalousie. Il y aura toujours quelqu'un qui ne sera pas content parce qu'il y a beaucoup de place dans l'armée de terre et qu'il n'y a pas suffisamment de gens qui veulent y aller. Et du coup, il n'y a pas de partage sans jalousie ex post. Et du coup, si on met la contrainte de sans jalousie, il n'y a plus de solution, on ne sait plus quoi faire. Si on ne met pas la contrainte, on ne garantit aucune forme d'équité. Du coup, là encore, c'est embêtant. Donc, il faut trouver aussi quelque chose qui est un petit peu plus soft, plus... qui mesure un peu plus l'équité de façon un peu plus régulière, qui sont capables de dire tel partage est franchement pas juste et tel autre partage est à peu près juste mais pas tout à fait, une sorte de façon de quantifier l'équité dans un partage. Et du coup, pour faire ça, je vais vous parler un peu de microéconomie pour introduire les fondements de ce qu'on appelle la théorie de l'utilité. Donc la théorie de l'utilité, c'est une théorie qui essaie de quantifier le bonheur, le contentement de quelqu'un par rapport à une situation. Alors, avant d'aller plus loin, je sais que Podcast Science ne parle pas souvent d'économie. Du coup, je vais faire un rapide point sur la différence entre les deux principaux domaines de l'économie, à savoir la microéconomie versus la macroéconomie. En gros, la macroéconomie, c'est l'étude très empirique de mesures à grande échelle, comme à l'échelle des populations, comme le PIB par habitant ou les taux d'intérêt. Et on va dire des trucs du genre augmenter le taux d'intérêt, relance l'investissement, et la raison pour laquelle on se permet de dire ça, est en général fondée sur des observations historiques ou empiriques. Ou à du bon sens. Alors, je vais mettre quelques guillemets autour de bon sens parce que les modèles macroéconomiques sont souvent sujets à interprétation idéologique. Tu veux dire le fait qu'on néglige le bien-être parce qu'on ne peut pas le modéliser ? Ouais, entre autres, ou qu'on essaye de le modéliser en prenant certains facteurs en compte. Enfin, c'est pas évident en tout cas. Mais c'est un côté assez empirique dans la macroéconomie, je dirais. Alors qu'à l'inverse, la microéconomique part plus d'une modélisation des individus, notamment de leurs préférences et de la manière dont ils interagissent, et cherche ensuite à voir ce que ça implique. Du coup, l'approche microéconomique est souvent beaucoup plus axiomatique, c'est beaucoup plus des si-alors, Mais il se trouve que ce qu'il y a derrière le si n'est pas forcément vrai. Du coup, ce qu'il y a après le alors n'est pas forcément vrai non plus. Mais il y a une approche beaucoup plus axiomatique et beaucoup plus mathématico-déductive. Et on va du coup souvent chercher à prouver des théorèmes ensuite à partir des axiomes. Et d'ailleurs, la microéconomie est liée est née de la collaboration entre un économiste, Oscar Morgenstern, et un mathématicien, John von Neumann. John von Neumann qui est pour moi un peu un superman des mathématiques appliquées, vu tout ce qu'il a fait. Alors, justement, sur la théorie de von Neumann-Morgenstern, qui est une théorie qui part vraiment de l'axiomatisation des préférences des différents individus, il y a 5 axiomes. Le premier axiome, ça dit que tout individu a des préférences par rapport à des sorts possibles. Donc, en termes mathématiques, ce qu'on veut dire, c'est qu'il y a une relation binaire qui correspond à la préférence d'un individu sur l'ensemble des sorts et qui est une. Bon, on va voir que c'est une relation d'ordre. Donc, la deuxième hypothèse, c'est que les préférences d'un individu sont complètes. C'est-à-dire que si on propose à un individu deux sorts X et Y, il est capable de dire soit qu'il préfère X à Y, soit Y à X, ou que Y et X sont aussi bien l'un que l'autre. Troisième hypothèse, les préférences doivent être transitives. C'est-à-dire que si un individu préfère X à Y, et Y à Z, alors il doit préférer X à Z. Quatrième hypothèse, les préférences doivent être continues, en un certain sens. Ça veut dire que si un individu préfère X à Y à Z, alors il existe... Y va être aussi bien qu'un mélange de X et Z. Et ce que j'entends par un mélange de X et Z, ça correspond à tirer au hasard entre X et Z avec une certaine probabilité... pour X et l'autre probabilité pour Z. Bon, en sachant que dans ce que tu dis là, ce qu'il faut réaliser par rapport au monde entre guillemets réel, c'est que par exemple, c'est dire est-ce que vous pouvez dire est-ce que vous préférez trier dans l'ordre pomme, banane et cerise, quoi, ce qui n'est pas toujours facile, et la continuité entre pomme et cerise, de dire bon, bah, si j'ai trois quarts de pomme et un quart de cerise, je vais être plus content, je vais être vraiment à trois quarts de mon contentement d'une pomme et un quart de mon contentement d'une cerise, quoi. Ah, exactement, c'est ça. Ce qui donne une image et qui aussi montre à quel point il y a des limites dans ces hypothèses qui pourtant paraissent relativement simples. Ouais. Non, mais c'est ça, effectivement, être capable de dire que trois quarts de banane ça vaut une pomme qui vaut elle-même deux tiers de cerise. C'est compliqué, mais enfin, c'est-à-dire qu'on s'imagine bien que c'est des hypothèses qui vont être difficiles à maintenir, et puis on peut le mettre sur plein d'exemples, hein. C'est sur votre contentement, je sais pas, lors d'un partage d'un héritage, vous préférez quoi, la voiture ou la collection de vinyle, ou la moitié de la collection de vinyle et puis le l'autoradio de la voiture, quoi. Ouais, ça. On voit que c'est très compliqué quand même de quantifier ça. C'est marrant, ça me fait penser quand même vachement à tout ce que tu avais raconté sur les élections, quoi. C'est le même genre de problème qui se pose, en fait. Bah, moi, ça me fait beaucoup penser à ça, en effet. Bah, les hypothèses, c'était pas exactement les mêmes. Alors, c'est que Pareto, c'était pas la même chose. Mais en effet, pour rappel, donc, sur les élections, parce que ça commence à dater cet épisode, faudra en refaire un. Il y a bientôt des élections, t'avais pas fait ça pour les dernières ? Ouais, c'est vrai. Non, en plus, il y a des trucs que j'avais lus qui étaient géniaux. Enfin bref, on change de sujet. Mais en fait, dans les règles qui ressemblent, là, t'as une règle sur la jalousie. Dans les élections, il y avait une règle sur la non-manipulation. Mais je me demande en fait s'il n'y a pas une règle de manipulation dans ton cas aussi, c'est-à-dire de mentir sur ses goûts pour favoriser ce qu'on va recevoir. Oui, tout à fait. Un peu comme la magouilleuse. Bah, dans la magouilleuse, clairement, il y a de la manipulation. Donc ça, je comptais en parler pour le prochain épisode. De la manipulation. D'accord. Donc là, je suppose juste qu'il y a. Enfin, que les biens ont été alloués et on se pose la question est-ce que c'est équitable ou qu'est-ce qu'on peut dire sur la justesse de ce partage. Ok, donc il y avait une cinquième hypothèse qui correspond à l'indépendance, ce qui dit que si un individu préfère X à Y, alors il préfère tirer au hasard entre X et Z plutôt qu'au hasard entre Y et Z. Tout ça pour dire que tous ces axiomes-là, qu'on les prend un par un et qu'on y réfléchit vraiment, comme tu as dit, Nico, c'est difficile de donner de le quantifier vraiment en vrai, quoi. Enfin, prendre un individu et dire arrive. Donc, ce que je disais, donc la dernière règle, c'est-à-dire si je préfère les pommes aux bananes, et si on me propose entre avoir au hasard une pomme et une cerise, ou une banane et une cerise, tire au hasard entre une banane et une cerise, alors je préfère, comme la seule chose qui change entre les deux tirages, là, c'est la pomme et la banane, et que je préfère la pomme à la banane, que je préfère la pomme à la banane, alors je préférais le D'accord. tirage au sort. C'est qu'en fait, la cerise influe pas sur ton choix. Exactement, elle est indépendante de... Ah ben ça, pour le coup, c'est quelque chose qu'on retrouvait avec les élections, c'était le concept de dire que les petits candidats, ceux qui nous intéressaient le moins, ne devaient pas avoir d'influence sur le résultat. Oui, tout à fait, oui. Et en fait, ouais, donc si on prend chacune des hypothèses, si on essaie de vraiment y réfléchir, elles ont toutes l'air vraies. Ça paraît... Enfin, ils sont tous super naturels, enfin, c'est très difficile de voir laquelle est fausse. Et en fait, en pratique, bon, sauf que les axiomes de von Neumann, Morgenstern ne sont en général pas satisfaits pour les individus, pour les préférences des individus. Alors, je crois que c'est plus la transitivité qui ne marche pas très bien, alors que ça paraît vraiment... la transitivité, je rappelle, c'est si je préfère les pommes aux bananes et les bananes aux poires, alors je préfère les pommes aux poires. Et ça, a priori, en fait, en vrai, ça ne marche pas très bien. Alors, bon, tout ça, ça va paraître un peu du jargon mathématique, et en effet, il y a beaucoup de détails subtils à comprendre. Mais je pense que ça vaut le coup d'insister sur le fait que ce modèle ne met absolument pas l'argent au cœur de la théorie économique, contrairement à ce qu'on pourrait penser naïvement de ce qu'est l'économie. En fait, selon ce modèle, l'argent a juste une utilité. Et ce qui compte, c'est vraiment l'utilité de l'argent. Mais il semble que la principale raison pour laquelle les axiomes de von Neumann et Morgenstern conduisent à des raisonnements faux, c'est parce qu'ils sous-entendent que les gens connaissent leurs préférences et agissent conformément à leurs préférences. Alors qu'en pratique, les préférences sont vraiment, enfin, d'un individu sont très volatiles et très dynamiques. Et après, c'est pas, enfin, les gens n'agissent pas forcément conformément à leurs préférences puisqu'ils ne les connaissent pas forcément, quand même, parfois. Hein. Moi, ça m'arrive souvent d'arriver à faire, d'avoir des choix à faire alors que je ne sais même pas trop ce que je préfère, mais sur le coup, bah, je fais un choix. Et puis, si ça arrivait le lendemain dans la même situation, je ferais peut-être l'autre choix parce que je ne sais pas exactement ce que je préfère. Et donc, les axiomes, et je pense que c'est pour ça que les axiomes de von Neumann et Morgenstern sont en général faux. Et du coup, on peut se demander à quoi ça sert si les axiomes sont faux, quoi. C'est un peu le malheur des économistes, c'est qu'en fait, on n'est pas des êtres rationnels, contrairement à ce que supposent toutes les théories de théorie des jeux au début. C'est exactement ça. Alors, pourquoi est-ce qu'on les utilise quand même ? On les utilise quand même parce qu'on ne connaît pas de meilleurs axiomes, en fait. On ne sait pas comment faire mieux. Il y a eu des tentatives, enfin, il y a pas mal de tentatives pour faire mieux. Mais à chaque fois, on aboutit avec des théories qui sont... beaucoup trop complexe et trop difficile à manipuler. Et puis après, on ne peut plus rien dire avec ces modèles. Du coup, on ne peut plus faire de prédictions ou prouver des théorèmes sur les autres modèles. Au moins, les axiomes de von Neumann-Morgenstern, ils ont le bon goût d'être simples et pas trop débiles. Et c'est difficile de trouver mieux que ça. Donc, plus généralement, je pense que ce que je viens de dire, c'est un peu le fondement de pas mal de mathématiques appliquées. On ne cherche jamais à vraiment avoir une description juste ou exacte de la réalité, parce que la réalité est toujours bien trop compliquée. Voilà qui m'amène à deux citations de von Neumann que j'adore. La première, c'est « Si les gens ne croient pas que les mathématiques sont simples, c'est uniquement parce qu'ils ne se rendent pas compte à quel point la vie est compliquée. » Je cite quotidiennement. Ouais. Et la deuxième, c'est que la vérité est trop compliquée pour permettre autre chose que des approximations. Bon, même ton. Donc en général, en mathématiques appliquées, on va chercher un modèle pas trop faux et à jouer avec ce modèle pour essayer de se donner une meilleure intuition de ce que la réalité pourrait être et ou de ce qu'elle ne peut pas être. Et pour cela, il faut absolument des modèles simples, mais qui ne seront pas totalement justes. Et donc c'est d'ailleurs exactement ce qu'on est en train de faire avec la définition du partage juste. Le concept intuitif d'équité diffère d'une personne à une autre. Donc clairement, Il n'existe pas de bon concept, de concept exact de l'équité. Notre objectif ici, ce n'est pas d'avoir la bonne définition de l'équité, c'est plus de trouver une définition qui soit assez bonne et avec laquelle on peut faire des calculs, entrer ça dans un ordinateur et déterminer des façons de partager un gâteau. Et en ce sens, là, il n'y a vraiment pas photo. Les axiomes de von Neumann-Morgenstern sont largement considérés comme suffisamment bons et suffisamment faciles à utiliser pour qu'il y ait un espèce de consensus dans la communauté mathématico-économique qui considère que, du coup, de base, il faut utiliser ces axiomes. Et en fait, si on ne les utilise pas, et ça m'est arrivé de ne pas les utiliser, il faut quasiment s'excuser et expliquer pourquoi on ne les utilise pas. Donc, ils sont vraiment... ils font vraiment consensus. Bref, tout ça pour dire qu'on va utiliser les axiomes de von Neumann-Morgenstern aujourd'hui pour chercher à définir un concept assez bon de l'équité. Et en gros, ça veut dire qu'on va être capable d'associer... une conséquence des axiomes de von Neumann-Morgenstern, c'est qu'on est capable d'associer des valeurs numériques aux préférences d'un individu pour ses différents sorts. Okay, on est capable d'attribuer une valeur numérique au fait d'avoir un morceau de cerise dans un gâteau. Et ça, a priori, c'est pas vrai si on n'a pas les axiomes de von Neumann-Morgenstern. Et en fait, donc c'est aussi ce qu'on a fait pour l'instant. À chaque fois qu'on a donné une portion d'un gâteau à un podcasteur, pour l'instant, on a traduit la satisfaction du podcasteur en termes de pourcentage du gâteau entier qu'il a eu. Cette utilité est très particulière. C'est pas la forme générale de la fonction d'utilité, car elle satisfait deux hypothèses. Que j'ai pas encore mentionné, mais qu'il faut mentionner. La première, c'est qu'on a supposé jusque-là que les utilités sont additives, c'est-à-dire que l'utilité de deux parts disjointes est la somme des utilités pour chaque part. L'utilité d'avoir une cerise et un gâteau sucré, c'est égal à la somme de l'utilité pour la cerise plus l'utilité pour le gâteau sucré. La deuxième chose, c'est qu'on a supposé que l'utilité pour tout ce qu'il y avait était égale à 1. Donc dans ce cadre, on peut définir le partage à utilité égale comme étant le partage où tous les individus ont exactement la même utilité. On peut définir le partage proportionnel comme le fait que chacun a au moins 1 sur n. Ce concept-là est extrêmement utilisé dans pas mal de problèmes. Par exemple, il y a un concept assez intéressant qui s'appelle le partage max-min équitable. Enfin, max-min fairness en anglais, qui dit qu'on veut chercher à maximiser le sort de l'individu le moins bien loti. Et une fois qu'on a fait ça, on va maximiser le sort du deuxième individu le moins bien loti. Puis après, le troisième, etc. Et entre-temps, à chaque étape, il est plus le moins bien loti, du coup. C'est ça ? Donc, en fait, on fait ça de façon... Donc on maximise l'utilité du moins bien loti. Donc on maximise le minimum des utilités, le minimum est pris sur l'ensemble des individus. S'il y a moyen de... En fait, en gros, si on prend deux partages, on peut se demander lequel est plus max-min équitable. Le partage le plus max-min équitable des deux, c'est celui pour lequel le moins bien loti dans les deux cas est le plus heureux. Ça fait quand même ça fait vraiment penser, enfin, pardon d'y revenir, mais pour ceux qui ont entendu cette émission ou qui ont déjà entendu parler de ce genre de système, ça fait vraiment penser au système de vote quand même, quoi. C'est-à-dire que ça fait penser au système de vote où tu fais la liste de tous tes candidats en mettant de celui que tu préfères à celui que tu aimes le moins, et puis on commence par enlever celui qu'on aime le moins, et après on reporte les voix, etc., etc. Je trouve que c'est le même genre d'idée, enfin mathématiquement ça doit être le même genre de truc qu'il y a derrière en fait, le même genre d'objet qui apparaît derrière. Ouais, c'est très lié. Il y a beaucoup de relations d'ordre, de choses dans le genre. Ouais, c'est très lié. Quand on fait le max-min fairness, donc, qui est très utilisé en littérature, il faut bien se rendre compte qu'on repose énormément sur... Enfin, quand on dit le moins bien loti, c'est qu'on a vraiment une valeur numérique de l'utilité des gens. Et en fait, c'est pas exactement ce que dit les axiomes de von Neumann-Morgenstern. Ils disent pas qu'on a le droit de choisir une valeur numérique exacte à chacune des utilités des gens. En fait, si on était capable, dans ces exemples, d'attribuer des valeurs numériques aux utilités des gens, c'est parce qu'on a fait les hypothèses d'additivité et il dit que, enfin, de l'additivité des fonctions d'utilité, qui dit que l'utilité pour deux parts différentes, enfin pour l'union de deux parts différentes disjointes, est égale à la somme des utilités. Et on a supposé aussi que l'utilité pour tout le gâteau est égale à 1. Mais ça n'apparaît pas dans les axiomes de von Neumann-Morgenstern. C'est des hypothèses qu'on a fait en plus, qui peuvent avoir l'air naturelles, mais qui en général ne sont pas vraies. Et en fait, par exemple, quand on pense à la Magueuse et aux affectations militaires, il y a plus de sens, quoi. On peut pas considérer ce que c'est que l'additivité de l'utilité pour des affectations militaires, parce que l'utilité pour deux affectations militaires n'est pas la somme des utilités pour chacune des affectations militaires. Enfin, ça a plus trop de sens, quoi. Et pareil, l'utilité d'avoir toutes les affectations militaires ou d'avoir tout le gâteau, enfin, il n'y a pas d'équivalent aux hypothèses qu'on a faites pour le gâteau, quoi. En fait, ça vient d'une difficulté qui apparaît avec le théorème de von Neumann-Morgenstern. En fait, ce qui dit exactement le théorème de von Neumann-Morgenstern, c'est qu'il dit que les axiomes impliquent qu'il existe des fonctions d'utilité, des façons de numériques de quantifier l'utilité de chacun, mais ces fonctions d'utilité ne sont pas uniques. Elles sont définies à une transformation affine positive près. C'est-à-dire qu'il y a il y a deux degrés de liberté, c'est-à-dire on ne peut pas fixer un numéro, un nombre pour l'utilité de quelqu'un. Ce nombre, en fait, c'est il y a deux degrés de liberté sur lesquels on peut jouer qui disent que si on transforme la fonction d'utilité, si on lui ajoute une constante ou si on la multiplie par deux, ça reste exactement le même objet mathématique dans la théorie de von Neumann-Morgenstern. C'est-à-dire que donc c'est un peu comme donc il y a ces deux degrés de liberté qui correspondent. C'est un peu comme lorsqu'on conduit une voiture, la trajectoire de la voiture a deux degrés de liberté, à savoir la vitesse à laquelle elle roule et l'angle de braquage. Et on peut jouer sur ces deux angles de deux degrés de liberté, si bien que lorsqu'on n'a pas déterminé la vitesse de la voiture, la propulsion de la voiture et la direction de ses roues, a priori on n'est pas capable d'en déduire sa trajectoire. Donc de la même façon, si on sait que les hypothèses de qu'un individu a des préférences von Neumann-Morgenstern, on n'est pas capable de dire quelle est la valeur numérique de sa fonction d'utilité pour quelque chose, pour un gâteau. Il y a toujours ces deux degrés de liberté. Et ces deux degrés de liberté, en fait, dans le cas du gâteau, ils ont été fixés par les hypothèses qu'on a faites. L'hypothèse d'additivité dit que l'utilité d'avoir une part est égale, d'avoir l'union de deux parts est égale à la somme des utilités. Si on prend l'union d'utilité d'avoir un gâteau et de union rien du tout, ça va être la somme de l'utilité d'avoir le gâteau plus l'utilité d'avoir rien du tout. Ça implique que l'utilité d'avoir rien du tout doit forcément être égale à zéro. Et puis on a dit aussi qu'on avait l'hypothèse selon laquelle l'utilité d'avoir tout le gâteau doit être égale à 1. Du coup, en fait, on a fixé l'utilité de ne rien avoir égale à 0 et l'utilité de tout avoir égale à 1. Donc on a fixé ces deux degrés de liberté qui sont en fait assez arbitraires. Donc dans le cas général où les fonctions d'utilité ne sont pas forcément additives, on pourrait se dire qu'on va fixer deux valeurs extrêmes. On va dire que la fonction d'utilité prend forcément des valeurs entre 0 et 1. Et on peut vouloir chercher à mesurer l'utilité avec un pourcentage par rapport à ce qu'on aura pu avoir. Et ça, c'est pas mal ce qu'on fait de façon assez naturelle quand on a ce genre de problème. Mais ça pose deux problèmes quand on essaie de chiffrer l'utilité de cette manière. La première, c'est que déjà, il y a des fonctions d'utilité qui ne sont pas bornées, qui peuvent prendre des valeurs infiniment grandes. Du coup, ça pose problème. Bon, ça, c'est juste un détail technique, je pense. Dans le cas du gâteau, par exemple, ça ne va pas arriver. Mais deuxièmement, et ce qui est beaucoup plus grave, selon moi, c'est que les deux valeurs extrêmes que l'on considère peuvent ne pas avoir de sens pratique. Ça peut ne pas être pertinent d'utiliser ces deux valeurs extrêmes pour mesurer la fonction d'utilité. Or, la fonction d'utilité la valeur numérique qu'on va attribuer aux utilités va fortement dépendre des deux valeurs extrêmes qu'on choisit pour fixer ce 0 et ce 1. Donc, par exemple, si on considère les pilotes d'avion, on pourrait considérer que le 0, l'utilité égale à 0, correspond au pire horaire qui puisse être donné à un pilote d'avion. Sauf que bon, si on commence à essayer de réfléchir à quel est le pire horaire possible, on tombe sur des trucs complètement improbables, comme enchaîner 5 vols de 10 heures d'affilée, des choses comme ça. Or, ces horaires-là qu'on utilise pour chiffrer l'utilité, ils peuvent n'avoir aucun sens pratique et ne pas correspondre du tout aux horaires qui sont typiquement donnés. Donc tout ça, ça m'amène à parler d'un bout de mon travail de thèse. Moi aussi, je fais d'autopub. Qui consiste à utiliser une autre façon de fixer ces 2 degrés de liberté des fonctions de von Neumann-Morgenstern. Pour ça, ce que je vais faire, c'est que au lieu d'utiliser 2 valeurs extrêmes, je vais utiliser l'ensemble des horaires qui ont été donnés aux autres employés pour former une espèce de benchmark, une espèce de référence qui va permettre de normaliser les fonctions d'utilité. Et en particulier, je vais demander à ce que l'utilité que j'ai pour la moyenne des horaires des autres, plutôt l'utilité moyenne d'un employé pour les horaires des autres, doit être fixée égale à 0. En gros, l'utilité égale à 0, ça correspond à dire que un employé va avoir une utilité de 0 s'il a aussi bien que l'utilité moyenne qu'il a pour les affectations des autres, donc s'il est un peu dans la moyenne de ce que les autres ont. Et puis, je vais lui demander aussi à ce que la variance de son utilité, la variance de l'utilité, c'est-à-dire à quel point l'utilité varie, doit être égale à 1 lorsqu'on lui donne un des horaires des autres. Okay. Et donc, tout ça permet de construire une échelle qui dit à quel point, quelle est l'utilité qu'il a en gros si on lui donnait un horaire au hasard. Et à quel point ça pourrait varier d'un cas à l'autre, d'un tirage au sort à l'autre. J'ai l'impression de vous avoir complètement perdu. Non, t'as quand même 2 matheux qui suivent, donc en principe, nous, on suit. J'espère que le reste du monde suit, mais en gros, ce que tu dis, c'est qu'au lieu... J'essaye de résumer, après, je dis pas que je vais le dire mieux que toi, mais bon, peut-être de le redire une fois, ça peut aider, puis comme ça, tu me corriges si j'ai pas tout compris. En gros, l'idée, c'est de dire, au lieu d'avoir le truc le plus pourri, ou l'absence de gâteau, ou l'emploi du temps le plus pourri, qui vaut 0, et le meilleur du monde, parce que ça a pas forcément de sens, qui vaut 1... on va plutôt se référer à tout ce qui existe possiblement et pas à des trucs, des cas qui n'existent pas, et notamment trouver l'emploi du temps le plus pourri, c'est un peu pas évident, ça n'a pas forcément de sens, ni le meilleur d'ailleurs. Et donc du coup on prend tout ce qui peut raisonnablement exister, on prend la moyenne, ça vaut 0, c'est ça? Ouais. Et on me dit ça s'en éloigne plus ou moins, et donc on va dire que c'est ce que tu as dit en dernier là, que en gros on prend à quel point ça peut s'éloigner de cette moyenne. Ouais. On prend du plus éloigné en bas au plus éloigné en haut, il faut que ça vale 1, c'est ça, ou c'est, bah, non, c'est la plus la variance. Donc, la variance, donc ça c'est un truc vraiment de stats qui est de dire la moyenne des distances à la moyenne. Enfin, faire racine carrée de ça au carré, c'est une catastrophe comme formule. En gros, je ne sais pas comment le dire dans quelques mots, c'est là. À quel point c'est dispersé autour, quoi. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que si on nous donne un horaire au hasard, on va avoir en gros des nombres qui sont à peu près égaux à 1, moins 1, moins 2, 2, 1, 0. Ouais, l'idée c'est qu'on choisit les valeurs de distance à la moyenne de façon à ce que. Quand on prend un horaire au hasard. Ouais, c'est ce que tu viens de dire. Quand on prend un horaire au hasard, les valeurs vont être autour de 1 et moins 1, quoi. Vont être beaucoup entre moins 1 et 1, en fait. C'est ça, ouais. Vont être essentiellement entre moins 1 et 1. Et un peu plus loin, en dessous et au-dessus, mais vont être pas mal centrés là-dessus. Vous savez, c'est bon, j'ai résumé sans trop dire de bêtises. Ah, c'est ça, ouais. Bon, j'espère que la deuxième couche va avoir permis à certains de raccrocher s'ils étaient perdus. En tout cas, moi, ça m'a, ça m'a fait du bien de bien voir que c'est bon, j'avais bien suivi. Je pense que ça m'aide à me rassurer aussi de me réveiller. Mais ok. Ouais, donc l'idée de ce raisonnement, je prétends pas que c'est la bonne façon à faire. Il y a d'autres façons, d'autres variantes en tout cas qui sont intéressantes aussi. Mais l'idée de ce raisonnement, c'est vraiment de se dire, de donner un sens à la phrase « Tiens, c'est pas mal ce qu'on m'a donné, et quand je vois ce que les autres ont eu, je peux dire que je suis content. » Donc c'est vraiment se comparer en gros à ce que les autres ont eu à la distribution de ce que les autres ont eu. Ouais, parce que sinon, tu te compares à des trucs qui ne peuvent pas exister, quoi. Ouais. Si tu commences à comparer, oui. Et je pense que c'est plus comme ça qu'on raisonne en pratique. C'est-à-dire qu'on reçoit quelque chose, on se dit bah, qu'est-ce que l'autre a eu. Et quand on a réussi à négocier un prix et puis que le voisin lui, a réussi à diviser le prix par deux quand on achète quelque chose au marché, bah, on se dit on s'est fait avoir, que le truc n'a pas été juste. Et en fait, la raison pour laquelle on se dit que ça n'a pas été juste, c'est parce que l'autre a réussi à avoir beaucoup mieux et que le sort de l'autre... est meilleur que le nôtre. Donc c'est toujours se comparer. Ouais, en tant que fils de prof, je peux garantir que les emplois, je parle d'emploi du temps parce que je pense que ça rentre forcément exactement dans ce que tu racontes. Et à toutes les rentrées de septembre, la grosse hantise des profs, c'est de voir leur emploi du temps. Et c'est clair que je me rappelle qu'à chaque fois, les réactions, c'est j'ai un emploi du temps pourri et en plus, l'autre a un emploi ouais. du temps vachement mieux, sur un jour de moins, tout ça, machin et tout. D'ailleurs, le vrai scandale, c'est quand tu te compares, quoi. Ou même ouais, quand tu te compares à toi l'année dernière ou des trucs comme ça. Ouais, c'est ça. C'est... Donc, ouais, donc à chaque fois, il y a une espèce de benchmark, une espèce d'horaire typique ou de distribution d'horaire typique auquel on va vouloir se comparer. Et donc l'approche que je viens de décrire, ça correspond à essayer de formaliser cette idée intuitive. Ça veut dire quand même, juste je t'interromps une dernière fois, pardon, mais ça veut dire quand même qu'on suppose que les personnes, parce que dans l'occurrence, ou les algorithmes ou les je sais pas quoi, qui proposent des horaires, qui proposent des partages, le font de façon pas trop débile, parce que je veux dire, si tu te rends compte en réfléchissant un peu que tout le monde aurait pu avoir mieux, t'es quand même pas content, quoi. Ouais. Je sais pas si c'était clair ce que je disais. Mais ouais. si on fait des trucs pourris pour tout le monde, alors qu'en fait, il y aurait eu moyen en s'organisant mieux de faire des choses mieux pour tout le monde, tu vas quand même t'en rendre compte, quoi. Ouais, donc c'est une façon d'essayer de chiffrer ça, quoi. En gros, de tout ce que je viens de décrire, c'est le but, c'est d'essayer de dire qu'à la fin, enfin, au bout de ligne, on essaie de dire, bon, bah, dans ce cas-là, on aurait quand même pu faire mieux, ou enfin, les gens ont moins bien que la moyenne, ou quelque chose comme ça. Ouais. Bon, là, je pense avoir fait un peu le tour de. Enfin, en tout cas, un rapide tour d'horizon de ce qu'il y a à dire sur les concepts d'équité. Il y aurait beaucoup plus à dire, mais sur les concepts d'équité, lorsque on a une espèce d'ensemble de biens à partager entre des individus qui ont chacun autant de mérite les uns que les autres à recevoir un bout du bien. Maintenant, je vais parler un petit peu de ce qu'on pourrait appeler le partage à légitimité inégale, qui correspond un petit peu au cas des chauffeurs de bus de la STM, où les plus seniors ont... selon la culture locale ou selon l'éthique locale, je ne sais pas trop comment le dire, semble mériter d'avoir des horaires meilleurs que les autres. Donc ça arrive souvent si on a travaillé ensemble sur un projet. Il y a souvent des gens qui ont plus travaillé que d'autres. Il y a toujours des gens qui ont plus travaillé que d'autres. Et du coup, ils devraient être plus récompensés que les autres. Et c'est un peu cette idée intuitive que je vais essayer de formaliser maintenant. D'ailleurs, le problème se pose aussi dans le cas de la magouilleuse, où en fait, il y a des élèves qui ont des inaptitudes physiques, visuelles ou auditives, qui leur interdit certaines affectations militaires. Du coup, les élèves ne sont pas en fait sur un pied d'égalité ex ante, c'est-à-dire avant le partage. Et ce n'est pas évident, en fait, dans le cas de la magouilleuse, en fait, c'est très difficile d'essayer d'appliquer ce dont on a vu jusque-là. En particulier, on peut se demander, est-ce que... si on reprend le cas de la magouilleuse, si je suis inapte à tout, sauf à l'armée de terre, du coup, je vais forcément aller à l'armée de terre. Et du coup, est-ce que ça a du sens qu'à ce moment-là, je me compare avec les gens qui étaient aptes partout et qui sont allés à la marine ? C'est pas évident. Alors, il y a une façon très, très classique, très reconnue dans la littérature de traiter ce cas asymétrique. En tout cas, quand il s'agit juste d'argent, on va prendre un cas très simple. Disons que quelqu'un veut acheter un bien et... Alors, que faire dans ce... Donc, disons qu'il y a un acheteur et un vendeur, par exemple, et il doit fixer un prix de vente. Et on va essayer de fixer un prix assez juste. Alors, que faire dans ce cas? Donc, il y a une réponse qui a été donnée par John Nash encore en 1950, qu'on appelle le Nash Bargaining Solution, ou la solution de la négociation de Nash. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce dont il s'agit, mais en gros, ce que Nash considère, c'est qu'il existe un statu quo insatisfaisant. C'est-à-dire, le statu quo ici, quand il y a un acheteur et un vendeur, c'est que et si on suppose que l'acheteur est prêt à payer plus que ce que le vendeur est prêt à vendre, donc le statu quo, c'est si rien ne se passe, s'il n'y a pas d'échange qui se passe, auquel cas les deux sont moins bien que s'ils avaient fait un échange qui aurait été possible. Donc s'il existe une solution initiale qui est donc pour le coup pas Pareto optimale, on peut se demander quel est le prix de vente qui correspond à ça. Donc Nash propose une façon de fixer un tel prix qui possède des bonnes propriétés mathématiques. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais en gros, il montre que sa façon de résoudre le problème est équivalente, enfin, oui, est la seule qui satisfasse quatre axiomes. Et l'un des trucs intéressants avec l'hypothèse de Nash, c'est que c'est totalement compatible avec les axiomes de Von Neumann-Morgenstern, dans le sens où on n'a pas besoin d'ajouter d'hypothèses supplémentaires comme on l'a fait par exemple pour le gâteau, on a fixé le 0 et le 1. Donc la solution de Nash permet de résoudre ce problème. Et cette solution de Nash a été généralisée en 1998 dans le cas où il y a plusieurs parties prenantes, puisque Nash n'avait que réglé que le cas où il y avait deux parties prenantes. Il y a un autre cadre intéressant qui est le cas où le gâteau donc, a été le fruit d'une collaboration entre plusieurs personnes et lorsqu'on cherche à redistribuer ensuite les fruits de la collaboration, on peut essayer de vouloir donner plus à ceux qui ont plus contribué. Et bien ça correspond à une contribution du grand rival de Nash qui s'appelle Lloyd Shapley. Ils étaient tous les deux doctorants à Princeton et c'était un peu la guerre entre les deux. Donc Lloyd Shapley qui a lui reçu le prix Nobel en économie aussi en 2012. Et la solution de Shapley correspond à essayer de regarder quelle est la contribution moyenne de chacun au groupe. Alors pourquoi je parle de moyenne? C'est-à-dire que on suppose qu'il y a un groupe de gens qui ont collaboré pour accomplir un projet. On se pose la question à chaque fois, si on retire une personne de ce projet, est-ce que le projet aurait aussi bien fonctionné? Et donc, mon projet a priori aurait moins bien fonctionné. Et ben la quantité d'argent récolté en moins, par exemple, serait à peu près l'argent qui serait donné à cette personne. Donc, il y a deux détails un peu compliqués qui correspondent à dire que, en fait, il faut regarder par rapport à chaque sous-groupe, sous-coalition, comme on l'appelle, de gens qui collaborent. Et de voir la contribution de chacun à des sous-groupes de travail. Je ne rentre pas dans les détails, encore une fois, mais encore une fois, la solution de Shapley a une approche à des belles propriétés axiomatiques, c'est-à-dire que si on suppose qu'il y a une façon de redistribuer l'argent qui satisfait quatre axiomes, alors c'est forcément la solution de Shapley qui est la bonne. Enfin, un dernier concept dans le même cadre que celui de Shapley est celui du corps. Donc le corps, en gros, ça décrit l'ensemble des redistributions possibles des gains communs d'un groupe, tel que chacun a bien eu intérêt à rester avec le groupe. Donc il y a un exemple. Donc le problème de ça, c'est que c'est pas forcément le corps peut être vide. Donc par exemple, si il y a l'exemple des trois nains qui vont à la mine pour apporter du charbon, je sais pas trop quoi. En fait, on suppose qu'ils ont besoin que d'être deux pour porter. Ils ont un truc pour porter qui se porte juste à deux. S'ils y vont à deux, ils sont capables de rapporter autant que s'ils y vont à trois. Du coup, la contribution de chacun. En fait, elle est nulle parce que s'ils y vont à 3, le troisième ne sert à rien. Quoi. Et du coup, à ce moment-là, s'ils y vont à 3 et qu'ils reviennent à 3, il n'y a pas de façon de redistribuer les biens pour que chacun ait vraiment eu intérêt. Attends, je suis en train de me perdre un petit peu dans cette histoire parce que je n'avais pas noté ça. En gros, ce que tu dis, c'est que si tu calcules avec ta manière de faire avec la manière que tu as présenté de faire, c'est-à-dire qu'on retire la personne du projet, on voit à quel point le projet perd. C'est-à-dire que tous les trois, ils sont payés zéro dans ce cas-là, quoi. Ouais. Et du coup, c'est... En fait, cette façon de fonctionner peut faire qu'on se retrouve avec zéro personne sur un projet qu'on aurait nécessité plus, quoi. Ok, donc, et puis, donc là, je vais finir sur la dernière partie dont je voulais parler pour les concepts d'équité, qui est un concept que je vais appeler l'équité locale, qui correspond au fait de dire qu'en pratique, on ne se compare pas à tout le monde. Donc, si je reprends l'exemple des gâteaux, des cerises sur le gâteau, si je calcule les utilités normalisées, comme je l'ai dit, avec le zéro, et avec la moyenne et la variance, on peut faire des calculs et on se rend compte que les garçons en fait, sont moins contents qu'Iran, parce qu'en fait, Iran, quand elle se compare aux autres, elle a largement mieux que les autres. Parce qu'elle a une part de gâteau énorme alors que chacun a une petite cerise. Alors que si on prend la place des garçons, on peut se dire que chaque garçon a aussi bien que plusieurs de ses voisins et mieux qu'un quatrième, mais il n'est pas largement mieux par rapport aux autres. En fait, si on calcule les utilités normalisées telles que j'ai décrites précédemment, on est amené à conclure que les garçons sont moins contents qu'Irène. Alors j'avais fait une fois dans une conférence un sondage devant des économistes pour savoir s'ils pensaient que ce partage des cerises sur le gâteau était juste. Et en gros, la moitié disait que c'était juste et l'autre moitié disait que c'était pas juste. Du coup, je me suis posé la question, est-ce qu'on peut réfléchir à un concept d'équité pour lequel, qui soit chiffré un peu, pour lequel on conclut que ce partage est en effet juste? Et alors, il y a un moyen de faire ça qui je pense, assez naturel, qui consiste à dire que la façon dont on se compare les autres est locale dans un certain sens, c'est-à-dire qu'on va se comparer uniquement aux gens qui sont similaires à nous. Donc, dans le cas des cerises sur le gâteau, les garçons ne vont peut-être pas énormément se comparer à Irène parce que leur préférence par rapport à ce qu'il y a, ne sont pas du tout les mêmes que celles d'Irène. En fait, sont même quasiment corrélées négativement, si on voit ça dans un certain sens. Et en fait, ils vont plutôt se comparer entre eux. Et quand ils se comparent entre eux, si on compare juste les utilités normalisées des garçons entre eux, ils vont avoir tous les mêmes utilités, alors que Irène, elle va pas forcément se comparer aux garçons parce qu'elle a des préférences complètement différentes. Donc, du coup, en fait, on a tendance à se comparer uniquement à des gens qu'on considère semblables à nous et qui ont, par exemple, la même légitimité que nous, ou quelque chose comme ça. Et en gros, ce que j'essaie de dire, c'est que l'équité était un phénomène local. Et donc là, je vais finir cet épisode sur un truc assez spéculatif. Je m'excuse d'avance pour les conneries que je vais dire auprès des historiens. Je pense que cette façon de réfléchir au concept d'équité est extrêmement... cette façon de réfléchir de façon locale à l'équité est extrêmement pertinente en pratique. En tout cas, ça a le bon goût de faire réfléchir. Donc, ce que j'ai remarqué, ce qui me semble assez important à dire, c'est qu'en fait, au final, le concept d'équité est super lié au concept de stabilité. En gros, un partage qui n'est pas équitable, c'est un partage où les gens vont finir par se plaindre et si on imagine ça dans une société, ils vont finir par faire une révolution et mettre fin au partage injuste. Mais la période, et donc si on considère qu'une société juste va être du coup moins sujette à des révolutions et du coup plus stable, on peut se dire que les sociétés justes sont les sociétés qui sont stables. La période la plus stable de l'histoire, a priori, si je ne dis pas de bêtises, c'est plutôt le Moyen-Âge. Et a priori, le Moyen-Âge, on peut se dire que ce n'était pas forcément juste. Et en fait, si on regarde globalement, si on compare le sort d'un paysan à celui d'un noble, a priori, c'était vraiment pas juste. Sauf si on considère qu'en fait, l'équité est locale, qui correspond, c'est-à-dire que les paysans, de toute façon, ils ne parlent jamais aux nobles, donc ils ne vont pas forcément avoir tendance à se comparer aux nobles. Et s'ils se comparent juste localement, c'est-à-dire, du coup, se comparent aux paysans, aux autres paysans, l'équité dans la société va être locale, en tout cas, et pas forcément, si mauvaise, quoi. Et donc ça s'expliquerait pourquoi les paysans ne vont pas être si mécontents de leur sort, parce qu'ils ne vont pas se comparer forcément à la noblesse. Dans le même ordre d'idée, peut-être que je raconte n'importe quoi, mais on pourrait dire que la raison pour laquelle le Moyen-Âge est arrivé à un terme et qu'il finit par avoir des changements, c'est que, par exemple, pour la raison pour laquelle il y a eu la Révolution française ou quelque chose comme ça, c'est que c'est pas tant que les inégalités à ce moment-là étaient plus grandes, c'est peut-être plus parce que il y a des bourgeois ou des paysans qui ont commencé plus à se comparer à d'autres personnes parce que, par exemple, il y avait plus de l'interaction entre les différentes classes sociales. Et bon, bref, c'était assez spéculatif tout ça. Il y a un peu l'idée que des choses qui ne seraient pas comparables peuvent devenir comparables, des choses comme ça aussi. C'est-à-dire que quand tu... Enfin, je vais pas non plus trop m'avancer d'un point de vue historique, mais ce qu'on nous raconte généralement sur l'histoire, c'est des trucs du style, le paysan, il fait bouffer le seigneur, mais le seigneur lui accorde son soutien, le protège, des trucs comme ça. C'est des trucs, c'est vachement difficile de comparer ce genre de trucs et de mettre ça sur un pied d'égalité, de comment dire, de... Ouais, de comparer tout bêtement, quoi. Ouais. On en revient au problème de il faut tout pouvoir comparer, tout mettre sur une échelle, dire que ma protection, c'est trois quarts d'un cochon divisé par... On voit bien que c'est vachement compliqué de se mettre ça. Alors que si tu commences à parler juste à des penser juste à des fortunes ou des choses comme ça, bah là, ça devient vraiment comparable. Ouais. Après, ouais, donc, un autre exemple... Je pensais quand j'écrivais ce genre de choses, c'est par exemple les révolutions arabes. A priori, il n'y a pas eu plus d'iniquité récemment dans les pays arabes, mais à cause des réseaux sociaux ou de l'internet, les gens ont peut-être plus été amenés à se comparer. Les différentes classes sociales ont plus été tendance à se comparer, et du coup. La façon dont les gens se comparent aux autres a évolué, et c'est peut-être plus la façon dont les gens se comparent aux autres, enfin ce changement de la façon dont les gens se comparent les uns aux autres, qui a amené les gens à peut-être plus à faire une révolution, quoi. Je ne sais pas du tout à quel point c'est pertinent ce que je viens de dire, mais bref, je vais m'arrêter là sur ce qui est concept de justice. J'espère que j'ai fait sentir un peu les difficultés ou quelques idées importantes de la théorie sur ce qu'est l'équité ou la formalisation de l'équité. Ok. C'est après c'est ta deuxième partie, c'est ça? Ouais. Donc peut-être que ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire juste le pitch du prochain épisode. Donc de quoi tu vas nous parler la semaine prochaine, puis on va conclure. Ouais. Donc la semaine prochaine, je vais vous parler j'appelle ça comment favoriser mathématiquement l'honnêteté, et ça a à voir avec toutes ces histoires de manipulation d'un système, d'un mécanisme, ou, par exemple de la magouilleuse ou des systèmes de vote. Je suis pas sûr qu'on ait des plugs à faire, par contre on va faire aussi un pitch pour l'épisode 250, donc il sera dans 2 semaines, parce que c'est un peu un événement exceptionnel. On vous a annoncé la semaine dernière, donc c'est un épisode un peu exceptionnel parce qu'on va recevoir Carl Zimmer, qui est une star de la vulgarisation et de l'évolution outre-Atlantique, et accessoirement le grand héros de notre topo national. Et il se trouve que c'est Alan, notre cher ancien dictateur, qui, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle autour de la communication scientifique, a traduit son dernier ouvrage, Planète de virus, en français. Et donc il en a profité pour l'inviter... pour nous parler de virus et d'évolution. Le livre sera en anglais et nous allons essayer de proposer rapidement une émission en doublage, c'est-à-dire que dans 2 semaines, en direct, l'émission sera sans doute en anglais. Par contre, on va essayer de vous proposer sur le flux à la fois une émission en anglais et en français, sans doute que l'émission en anglais arrivera en premier, une transcription et une transcription traduite. Donc voilà, tout plein de boulot pour nous, mais ça devrait être hyper intéressant pour Carl Zimmer, c'est pour ça que je l'annonce aussi en avance. Donc ça, c'est dans 2 semaines. Et si vous ne connaissiez pas, surtout, pas de pas de complexe, je veux dire. Il y a eu des mails. Ah, moi, je ne connaissais pas du tout. Ça a été, c'était très drôle quand il l'a annoncé. Il l'a annoncé comme si c'était vraiment une évidence que tout le monde allait être complètement fou. Et en fait, il y a Topo qui a été dingue. Il y a qui d'autre? Les biologistes, je pense, sans doute. Voilà. Et les autres, tout le monde s'en foutait parce qu'on le connaissait pas. Mais bon, a priori, c'est très cool qu'on l'ait. Et on vous invite à vous procurer donc la version française si vous lisez pas en anglais. C'est Alan et Karim qui l'ont traduit avec amour. Donc ça ne peut être que très bien. Et ils sont très curieux d'avoir des retours de ces traductions parce que c'est un premier exercice pour eux. Ils ont essayé de le faire en leur âme et conscience. Donc je pense qu'ils ont essayé de faire quelque chose de bien. Voilà. Est-ce qu'on a des questions ou autre chose? Et est-ce que, Lé, tu as une première citation? Ouais, j'ai une citation. Cool. Alors, c'est une citation. Alors, on passe à la quote. Donc, c'est une quote de... Alors, ça dit: « A compromise is the art of dividing a cake in such a way that everyone believes he has the biggest piece. » Donc, c'est de Ludwig... Tu nous le traduis? Erhard, chancelier de la RFA entre 1963 et 1966. Donc, ça dit qu'un compromis est l'art de diviser, de partager un gâteau de telle manière que chacun croit avoir la plus grosse part. Bah, c'est un parfait quote pour cet épisode. Ah oui, c'était un chancelier, c'est ça que tu dis? Ouais, de la RFA, ouais. D'accord. Ouais. Comme quoi, on nage en plein politique. On a dit que c'était podcast maths, mais en fait, c'est podcast politique. Ouais, c'est podcast politique. Très bien, très bien. Eh bien, écoutez, on va vous faire une petite conclusion. Et pour conclure, j'espère que cette première partie du partage de gâteaux vous a donné faim. On repart sur la suite la semaine prochaine. En attendant, si vous aimez l'épisode, comme d'habitude, n'hésitez pas à le partager en tranche, en étoile, ou quoi que ce soit sur le site de Podcast Science, podcastscience.fm, en like sur Facebook, en retweet sur Twitter, sur YouTube, enfin bref, faites-vous plaisir comme d'habitude. Et d'ici là, que servir la science soit votre joie.